إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Nous voici réunis بإذن الله تبارك وتعالى pour notre troisième assise concernant l'explication des six fondements du noble Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab rahimahullah. Nous sommes donc arrivés au quatrième fondement. Après que l'auteur rahimahullah ait cité l'obligation de vouer un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala dans le premier fondement, puis l'obligation de l'union des musulmans, ainsi que l'obéissance et l'écoute au gouverneur, il nous cite rahimahullah ici le quatrième point, qui est ce qui permet de distinguer entre ce qu'est la réelle science et les réels savants, de ceux qui se font passer pour des savants, mais en réalité ne le sont pas. Et il nous citera par la suite, rahimahullah, le cinquième fondement, qui est ce qui permet de distinguer, de discerner, entre les vrais alliés d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ceux qui ne le sont pas. Donc l'auteur nous dit, rahimahullah, le quatrième fondement est de détailler ce qu'est la science et les savants, ainsi que la jurisprudence et les juristes. Il est distingué de ceux qui les imitent mais ne font pas partie des leurs. Et certes, Allah a détaillé ce fondement au début de la sourate Al-Baqarah, de sa parole, « Ô enfant d'Israël, rappelez-vous des bienfaits que je vous ai accordés. » Jusqu'à sa parole, avant de citer Ibrahim alayhi salam, « Ô enfant d'Israël. » Sourate Al-Baqarah, du verset numéro 40 au verset numéro 122. Et il nous dit, rahimahullah, « Et parmi ceux qui vient augmenter la clarté de ce point, ce qui a été cité dans la sunna comme grand nombre de paroles claires pour le commun des gens. Ensuite, cela, c'est-à-dire la science authentique, est devenue la plus étrange des choses, et les innovations et les égarements ont été considérés comme étant la réelle science. » Intaha kalamuhu rahimahullah. Ensuite, il nous dit, rahimahullah, « Et le mieux que ces pseudo-savants possèdent est le fait de mélanger le vrai au faux, à tel point ou est considéré comme apostat ou fou toute personne qui propage la science qu'Allah a rendue obligatoire et dont il a fait des éloges. Et à l'inverse, toute personne qui renie et met en garde contre cette science et l'interdit est considéré comme un réel juriste et savant. » Intaha kalamuhu rahimahullah. Donc, dans ce fondement, l'auteur rahimahullah nous cite plusieurs points. Premièrement, l'importance de savoir ce qui est voulu par la science. Cette science dont Allah subhanahu wa ta'ala et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ont fait des éloges. Et cette science qui a énormément de mérites, dont nous allons citer quelques-uns, bi'idhnillah tabaraka wa ta'ala. Le noble savant Muhammad ibn Salih al-Uthaymin rahimahullah nous dit « Ce qui est voulu par la science est la connaissance de ce qu'Allah a fait descendre sur son messager comme preuve et comme guidée. » La connaissance de ce qu'Allah a fait descendre sur son messager comme preuve et comme guidée. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit d'après l'essence du verset. Dis, sont-ils égaux ceux qui savent et ceux qui ne savent pas? Certes, ne s'en rappellent que les gens doués d'intelligence. Surat Az-Zumar, verset numéro 9. Et il a aussi dit subhanahu wa ta'ala à son prophète, d'après l'essence du verset, et dis, ô Seigneur, augmente-moi en science. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui à qui Allah veut du bien, il lui accorde une bonne compréhension de la religion. Le hadith rapporté par l'imam al-Bukhari ou Muslim, rahimahumallah. Et il a aussi dit, sallallahu alayhi wa sallam, certes, les prophètes n'ont laissé en héritage ni dinar ni dirham, mais le seul héritage qu'ils ont laissé est la science. Et celui qui l'apprend aura pris une part énorme. Le hadith rapporté par l'imam Ahmed, rahimahullah, est rendu authentique par l'imam al-Albani, rahimahumallah. Donc, la science dont Allah subhanahu wa ta'ala a fait des éloges et a cité plusieurs de ses mérites dans son humble livre, et celle qui repose sur le livre, le Coran et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celle qui amène à la bonne compréhension du Coran et de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc il n'est pas voulu par cette science les sciences mondaines, même si celles-ci ont leur mérite selon le moyen vers lequel ils amènent, mais ce ne sont pas celles qui sont visées par les mérites de la science dans le Coran et dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et encore moins, ce que l'auteur a cité, rahimahullah, comme innovation ou égarement. Donc cela ne sont encore moins voulus par la science qui a été louée par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc les innovations, les égarements, ou bien les œuvres, les sciences qui ne sont pas basées sur le Coran, ni sur la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme certaines sciences qui vont être basées sur des choses inventées, ou bien des rêves, ou bien des ahadiths inventés et imputés faussement au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Deuxièmement, l'auteur rahimahullah nous cite l'importance de distinguer entre les véritables savants et ceux qui les imitent mais ne font pas partie d'eux. À ce sujet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: la chose dont j'ai le plus peur pour vous sont les savants qui égarent, el-a'imma el-mudillin, donc les guides qui vont égarer les gens du droit chemin. Et donc l'auteur rahimahullah a cité plusieurs versets concernant Bani Israël, les enfants d'Israël. À travers ces versets, cela nous permet de connaître certaines des caractéristiques des faux savants, de ceux qui cherchent à ressembler à ces savants mais ne font pas partie d'eux. Parmi ces caractéristiques, premièrement, le fait de mélanger le vrai au faux et de cacher la vérité. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit d'après l'essence du verset: et ne mélangez point le vrai au faux en cachant la vérité alors que vous savez. Et ne mélangez point le vrai au faux en cachant la vérité alors que vous savez. Sourate Al-Baqarah, verset numéro 42. Et parmi ces caractéristiques citées dans les versets cités par l'auteur rahimahullah, le fait de préférer ce bas monde à la religion et à l'au-delà. Et le fait de vendre les versets d'Allah subhanahu wa ta'ala ou de les échanger contre des vils profits mondains. Et donc à l'inverse, les vrais savants sont ceux dont la science les pousse à craindre Allah subhanahu wa ta'ala et à œuvrer avec la science qu'ils possèdent, en mettant en avant l'au-delà. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit d'après l'essence du verset: et n'achetez pas par les versets d'Allah des vils profits, et craignez-moi seul. Et n'achetez pas par les versets d'Allah des vils profits, et craignez-moi seul. Sourate Al-Baqarah, verset numéro 41. Al-Imam Abdurrahman ibn Nasr al-Sa'di rahimahullah nous dit en commentaire de ce verset: et n'achetez pas par les versets d'Allah des vils profits, c'est-à-dire qu'ils ont préféré et mis en avant comme rang qu'ils peuvent avoir ou au poste ou comme chose à consommer de ce bas monde, qu'ils s'imaginaient perdre s'ils auraient cru en Allah et en son messager. Donc des profits mondains qu'ils s'imaginaient perdre s'ils auraient cru en Allah et en son messager. Et parmi ces caractéristiques citées dans les versets cités par l'auteur, rahimahullah, le fait de ne pas œuvrer avec la science qu'ils détiennent. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit d'après l'essence du verset: ordonnez-vous le bien aux gens en oubliant vos propres personnes alors que vous lisez le livre. Ne raisonnez-vous donc pas? Sourate Al-Baqarah, verset numéro 44. Donc, parmi ces caractéristiques, il y a le fait de ne pas œuvrer avec la science qu'ils possèdent. Donc, tout cela, tout ce qui a été cité, sont des caractéristiques à travers lesquelles Allah subhanahu wa ta'ala a blâmé une partie de Bani Israël dans Sourate Al-Baqarah. Et donc, parmi leurs caractéristiques, il y a le fait qu'ils seront soit ignorants, comme An-Nasara, ou soit des personnes qui détiennent de la science, mais qui se sont égarées, qui ont délaissé et qui n'ont pas œuvré avec la science qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a accordée. Cela comme Al-Yahoud. Par la suite, l'auteur, rahimahullah, passe au cinquième fondement, qui est le fait de distinguer entre les véritables alliés d'Allah subhanahu wa ta'ala et ceux qui se font passer pour eux, mais n'en font pas partie. Il nous dit, rahimahullah, le cinquième fondement est d'expliquer qui sont les véritables alliés d'Allah et les distinguer de ceux qui se font passer pour les alliés d'Allah parmi ses ennemis, les hypocrites et les pervers. Et nous explique, et Allah, et parmi ceux qui viennent nous expliquer ce point, le verset se trouvant dans la sourate Ali Imran, qui est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, d'après l'essence du verset, dit: si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi. Allah vous aimera et vous pardonnera vos péchés. Allah est pardonneur et miséricordieux. Sourate Ali Imran, verset numéro 25. Et un verset dans sourate Al-Ma'ida, qui est sa parole, d'après l'essence du verset: ô vous qui avez cru, quiconque parmi vous apostasie de sa religion, alors sachez qu'Allah suscitera un peuple qui l'aime et qui, eux, l'aiment, humble envers les croyants et fier et puissant envers les mécréants. Ils luttent dans le sentier d'Allah et ne craignent aucun reproche. Surat al-Ma'ida, verset numéro 26. Et un autre verset dans Surat Yunus, qui est sa parole d'après le sens du verset. En vérité, les alliés d'Allah n'auront aucune peur, et ils ne seront point attristés, ceux qui ont cru et étaient pieux. Surat Yunus, verset numéro 27. Ensuite, l'auteur nous dit, rahimahullah. Ensuite, la majorité de ceux qui prétendent la science et faire partie des guides qui protègent la religion prétendent que pour être un allié, il est obligatoire de délaisser le suivi des messagers, et que celui qui suit les messagers n'est pas un allié, et qu'il est obligatoire de délaisser le djihad, et que celui qui accomplit le djihad n'est pas un allié. Tout comme il est obligatoire de délaisser la foi et la piété, et quiconque fait preuve de foi et piété n'est pas un allié. Intaha kalamuhu rahimahullah. Donc dans ce fondement, l'auteur rahimahullah nous cite un point très important, car il est une des causes menant à l'égarement. Le fait de ne pas distinguer entre les alliés d'Allah subhanahu wa ta'ala et ses ennemis, qui se font passer pour des alliés. Et dans cela, dans ce fondement, nous avons une réfutation quant à l'égarement de certaines sectes, comme les adeptes du soufisme, as-soufiya, qui eux ont pour prétention que le wali, l'allié d'Allah subhanahu wa ta'ala, ne peut l'être réellement qu'en arrivant à un stade où il peut se passer des ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala et du suivi du messager sallallahu alayhi wa sallam. Et pour certains d'entre eux, le wali pourra même arriver à un stade où il sera meilleur que les messagers. Ou pire encore, à un stade où il détiendra certaines caractéristiques divines, comme le fait de gérer l'univers ou le fait de pouvoir nuire ou profiter en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et tout cela est bien évidemment un égarement clair qui va à l'encontre des textes. Parmi ceux-là, les versets cités par l'auteur rahimahullah, qui sont comme dans ses propos, suffisants pour expliquer ce point. Suffisants pour expliquer ce point. Quant au premier verset cité par l'auteur rahimahullah, il est le verset qui est appelé par les gens de science rahimahumullah ayatul mihna, le verset de l'examen. Ayatul mihna. Ce verset à travers lequel Allah subhanahu wa ta'ala nous cite un des plus grands signes permettant de reconnaître l'allié d'Allah subhanahu wa ta'ala qui aime véritablement Allah. Ce signe est le suivi de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Allah nous dit d'après l'essence du verset, dit, si vous aimez véritablement Allah, alors suivez-moi. Allah vous aimera et vous pardonnera vos péchés. Si vous aimez véritablement Allah, alors suivez-moi. Allah vous aimera et vous pardonnera vos péchés. Surat Ali Imran, verset numéro 25. Donc, quiconque se détourne du suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'aime pas véritablement Allah subhanahu wa ta'ala. Et cela même s'il prétend faire partie des alliés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et cela, c'est-à-dire le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ne peut se faire qu'à travers la science et l'apprentissage. Donc, ces personnes qui prétendent être des alliés d'Allah subhanahu wa ta'ala alors qu'ils sont les personnes les plus loin de la science et de l'apprentissage, sont menteurs dans cela, et leurs propos ne sont pas acceptés. Car le verset vient clairement citer que le véritable allié d'Allah subhanahu wa ta'ala est celui qui aime véritablement Allah subhanahu wa ta'ala et celui qui suit son messager sallallahu alayhi wa sallam. Et comme l'a cité l'auteur rahimahullah, l'affaire pour ces gens, c'est un verset. Et pour ces gens-là, n'est réellement considéré comme un allié que celui qui emprunte un chemin autre que celui du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ce verset vient clairement réfuter leur égarement et montrer leur mensonge. Quant au deuxième verset cité par l'auteur rahimahullah, il est celui dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala cite certaines des caractéristiques de ses alliés, ceux qui l'aiment et ceux qui eux l'aiment subhanahu wa ta'ala. Parmi cela, le fait qu'il soit humble envers les croyants, fort et fier envers les mécréants, et qu'ils combattent dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala et accomplissent des œuvres pieuses. Cela alors que ceux qui prétendent être des alliés parmi les soufis ou autres prétendent que le wali, l'allié, peut délaisser la soumission aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ce verset vient clairement réfuter cet égarement et montrer que le véritable wali est celui qui se soumet aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala et celui qui combat dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quant au troisième verset cité par l'auteur, dans celui-ci, Allah subhanahu wa ta'ala nous cite clairement la définition de ses alliés, en nous informant qu'ils sont ceux qui ont réuni entre la science et les œuvres. Il nous dit subhanahu wa ta'ala d'après le sens du verset, « En vérité, les alliés d'Allah n'auront aucune peur et ne seront point attristés. Ceux qui ont cru et été pieux. Ceux qui ont cru et été pieux. » Donc, ceux qui ont cru, cela implique la science, car on ne peut croire en une chose que l'on ne connaît pas. Donc ceux qui ont cru, ceux qui ont eu la science et ont cru en cela. Ceux qui étaient pieux, cela implique le fait d'œuvrer avec cette science. Donc, comme il a été dit, toute personne croyante et pieuse est alliée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et cela même s'il n'a pas de signe apparent qui le distingue du reste des serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, certes, Allah aime le serviteur pieux, discret et riche. Riche, c'est-à-dire qu'il se passe des gens. Discret, donc qu'il ne cherche pas à se montrer aux gens, mais qui a pour seul but la sincérité envers son Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Donc, toute personne n'étant pas pieuse, en accomplissant les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala et en délaissant les interdits, ne peut en aucun cas prétendre être un wali et un allié, comme cité dans ce verset et les versets cités précédemment. Et parmi ceux qui viennent appuyer cela, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit, dans le hadith Al-Qudusi, Allah a dit, « Mon serviteur ne peut se rapprocher de moi avec une chose plus aimée que ce que je lui ai rendu obligatoire. Et il ne cesse de se rapprocher de moi par les actes surrogatoires jusqu'à ce que je l'aime. » Donc ce hadith vient avec ces versets montrer clairement que celui qui cherche à être parmi les pieux et les serviteurs aimés d'Allah subhanahu wa ta'ala al-awliya se doit d'accomplir les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala et de délaisser ses interdits. Et cela ne peut se faire qu'à travers la science et l'apprentissage. Et dans cela, comme cité, il y a une réfutation quant à l'égarement de certaines sectes et de certains égarements qui vont prétendre que le wali arrive à un stade où il peut délaisser la soumission aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de par sa grâce de nous compter parmi ses serviteurs pieux, ses alliés, ceux qui l'aident et ceux qui le secourent dans ce bas monde comme dans le-delà. Et qu'il nous pardonne nos fautes et nos manquements. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa ant wa astaghfiruka wa atubu ilayk.